Comment lire la Bible? Vous avez entendu parler de la Bible. On vous a dit que c'était un livre surprenant et extraordinaire parce qu'il répond à toutes sortes de questions et qu'il apporte une foule de renseignements dans bien des domaines. Plus, vous avez appris que la Bible propose des solutions aux problèmes de la vie, qu'elle explique certaines situations dans lesquelles s'enfonce le monde aujourd'hui. Enfin, vous avez entendu dire qu'elle confond les savants au point que journalistes, chefs d'État, sociologues, économistes ou spécialistes de toutes sortes de matières restent songeurs devant ces révélations. Alors, votre curiosité a été éveillée et vous vous êtes procuré un exemplaire de la Bible. Ou bien, vous vous êtes dit « Cette Bible qu'un proche parent m'a prêtée ou que j'ai trouvée fortuitement dans ma bibliothèque, pourquoi ne me mettrais-je pas à la lire ?» Sans beaucoup de méthode, vous avez commencé à feuilleter la Bible. Bien vite, une question s'est posée. Comment faut-il s'y prendre pour saisir le message de la Bible dans son ensemble? Par où faut-il commencer? Eh bien, nous aimerions vous aider et tout d'abord vous montrer le caractère unique du volume que vous avez peut-être en main en cet instant. La Bible est le livre des livres. C'est la parole même de Dieu. Des multitudes d'hommes et de femmes, de toutes les générations et de tous les peuples, ont été bénis et transformés par sa seule lecture. Mais la Bible est aussi un trésor ignoré par beaucoup de gens parce qu'ils n'en saisissent pas la portée. Seriez-vous du nombre de ceux qui se sont découragés en lisant la Bible, vous privant ainsi du bonheur d'écouter Dieu lorsqu'il s'adresse à votre cœur? Il y a 3000 ans, le roi David écrivait « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Psaume 1, 1 à 3. Méditez à votre tour cette parole, et tout ce que vous ferez réussira. Il importe tout d'abord de répondre à une question. La Bible, qu'est-elle exactement? C'est une petite bibliothèque de 66 livres réunis en un volume. Chaque livre a son message, ses caractéristiques, son auteur et ses destinataires. Mais ces livres forment un tout. Un peu comme les maillons d'une même chaîne. Or, vous le savez fort bien, si l'on retranche l'un des maillons d'une chaîne, la chaîne entière peut devenir inutile. De même, on ne peut retrancher l'un des livres de l'Écriture sainte sans porter atteinte à l'ensemble. Avant de passer à l'étude passionnante de chacun des livres de la Bible, nous aimerions mettre devant vous des éléments d'appréciation d'un sens plus général. Lorsque vous faites du tourisme et que vous visitez un château, votre première préoccupation n'est pas d'en compter les créneaux ou de mesurer la profondeur des soubassements. D'abord, vous contemplez l'ensemble et vous admirez les lignes de force de l'édifice. Ou bien, lorsque vous visitez une cathédrale, vous n'analysez pas en premier lieu les détails des sculptures ou des vitraux. D'abord, vous appréciez la conception architecturale de l'ensemble. Par exemple, l'équilibre entre sa masse et la hauteur de sa flèche. Eh bien, en s'approchant de la Bible, il convient aussi de la considérer dans ses généralités. Il est vrai que l'Écriture sainte est formée de toute une série de livres, qu'elle a été rédigée au cours d'une quinzaine de siècles et que de nombreux écrivains de formations fort diverses ont participé à sa rédaction. Mais elle constitue néanmoins un ensemble cohérent et indivisible, chacune de ses parties ayant trouvé sa place dans un plan d'ensemble. Or, ce plan d'ensemble a été établi par le véritable auteur du livre, Dieu lui-même. Il est lui seul l'architecte du temple de sa révélation. Tout à l'origine de l'histoire, Dieu a créé l'homme. Mais il n'a pas voulu que cet homme souffre sur la terre tous les jours de son existence et vive dans la peine jusqu'à la mort. Il a formé un plan de grâce et d'amour pour l'homme. Et pour faire connaître à cet homme ce plan, Dieu a voulu communiquer avec lui. Or, pour s'entretenir avec sa créature, Dieu n'a pas choisi un moyen inaccessible ou surnaturel. Il s'est adressé à elle par le moyen le plus direct, la parole. Et pour que sa parole soit transmise à tous les hommes, Dieu a employé cet agent universel qu'est le texte écrit, et c'est ainsi qu'il s'est révélé aux hommes de tous les âges, de toutes les races et de toutes les conditions. À vrai dire, Dieu nous accorde une faveur en nous choisissant comme interlocuteurs et en nous remettant sa parole. Aussi, avons-nous à en tenir compte et à en considérer toute l'importance. Comment cette parole divine a-t-elle été communiquée? Dieu a choisi près d'une quarantaine d'hommes auxquels il a confié un message précis. Et pour remplir leur mission, ils n'ont pas été livrés aux seules ressources de leur intelligence, ils ont été mis au bénéfice de l'action de l'Esprit de Dieu, ce que l'apôtre Pierre précise dans sa seconde épître au chapitre 1er, verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De son côté, l'apôtre Paul confirme le fait de l'inspiration des textes bibliques en ces termes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous trouverez ce verset dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Ajoutons ici que par une succession de circonstances providentielles permises par Dieu, le texte inspiré a été transmis intact jusqu'à nous qui vivons au XXe siècle. Mais revenons au fait de notre approche de la Bible. Dieu nous parle par ce document unique au monde et nous n'avons pas le droit de le négliger. Cependant, ne soyons pas surpris si son message nous dépasse et si nous n'en saisissons pas immédiatement toute la portée. Le contraire serait surprenant. La Bible contient des mystères qu'il faut respecter et certaines de ses pages ne s'éclaireront qu'à la lumière de l'étude de l'ensemble du texte sacré. Ou bien, il faudra attendre que les événements démontrent eux-mêmes le sens et la portée de telle ou telle prophétie biblique. Face à l'infini de Dieu, n'oublions pas non plus que nous sommes des êtres finis. Par nature, nous sommes pécheurs, alors que l'auteur du livre est saint. Notre raison est déchue, notre esprit est incapable de saisir par ses seules ressources la grandeur du Tout-Puissant. Il arrive même que la sagesse de l'homme s'élève effrontément contre la sagesse de Dieu. Résultat, son œuvre en nous est entravée et sa révélation nous est voilée. Pour comprendre la Bible, il faut l'esprit de révélation. Le Seigneur Jésus lui-même, alors qu'il était sur la terre, disait à son Père en priant « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 25. Il arrive que des enfants ou des gens peu instruits saisissent mieux le message de Dieu que des hommes de grande culture. Pourquoi? Parce que leur attitude humble et non prévenue les rend plus accessibles à la révélation des choses profondes de Dieu. Et cette attitude d'humilité permet à Dieu d'ouvrir leur entendement spirituel. Il en est de même pour nous. Dès l'instant où nous reconnaissons nos limitations, notre incompétence en la matière, peut-être même nos préjugés naturels, nous nous approcherons de la Bible dans une attitude qui honore Dieu et Dieu se plaira à se révéler à nous. Le Seigneur Jésus a dit lui-même « Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve » et l'on ouvre à celui qui frappe. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Aussi, permettez-nous un conseil. Avant d'ouvrir la Bible, demandez au Seigneur de vous bénir, de vous éclairer par son esprit. N'hésitez pas de prier pour demander à Dieu la sagesse pour comprendre son message. Voici ce qu'exprime l'apôtre Jacques à cet effet. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Épître de Jacques, chapitre 1er, versets 5 et 6. Il y a bien longtemps, le psalmiste priait déjà en ces termes. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Oui, Dieu viendra à vous pour ouvrir les yeux de votre entendement, et à votre tour, vous découvrirez des merveilles dans cette parole vivante et immuable que Dieu vous a destinée, la Bible. Nous attirons encore votre attention sur un fait essentiel. La Bible est la nourriture de l'âme. Lorsqu'il était au désert tenté par le diable, le Seigneur Jésus a rappelé cette déclaration de Moïse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De coutume, vous considérez en priorité les besoins de votre corps, mais l'âme est infiniment plus précieuse que le corps. Un jour, votre corps sera abandonné la poussière, alors que votre âme vivra perpétuellement. Il importe donc de la préparer à cette éternité qui est devant elle. Votre âme est sensible, elle a des besoins précis. Elle peut être dans la joie, dans l'enthousiasme, même dans l'euphorie, mais elle peut aussi être dans la détresse, l'angoisse, la crainte, le désespoir. Or, la Bible est la nourriture par excellence pour votre âme. Elle répond exactement à ses aspirations profondes et surtout, elle révèle Jésus-Christ, celui qui, à la croix du calvaire, a donné sa vie pour sauver cette âme. Recherchez donc dans votre lecture de la Bible le mot que Dieu réserve à votre âme. Ne lisez pas trop hâtivement le texte. Sachez vous arrêter à la parole qui touchera votre cœur. Vous serez alors réconforté, encouragé, fortifié dans votre foi. Vous vous rendrez compte à quel point la parole de Dieu est un aliment spirituel que rien ne remplace. Et vous aussi, vous ne vivrez plus de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole que contient la Bible, plus qui est la Bible elle-même.